SNK Nécro. Anonito Nécro. Un nœud, ouais, ouais, Ojima. Ça peut être un, ça peut être tout. Dans la ville rap, la rue. Est-ce que je vais finir mal, ça se discute à la de la rue. Pourtant, le destin lui est déjà tracé. Est-ce que pour m'atterrir, le compte à rebours est déjà enclenché. Alors, pas les pas, pas les pas, pas la teuf, pas la teuf. Laisse-moi percer, débarrasse le plancher. Tout ce qui m'importe, c'est le mago, c'est mago. Le rap, les potes, les sables, les ébats. Le jour où j'aurai de la chance, c'est remis. A plus tard, putain, je m'approche du RMI. Dernier recours, le rap, le rap, le rap. Ninja l'argent, on l'aura, on l'aura, on l'aura. Alors, je balance du son de taille dans les tapons. Pour les tapons, string, et pas pour les papons. Pas pour les femmes, il persistera. Celui qui veut ma mort, bah j'espère qu'il persistera. Pour un deux, pour un deux, pour un humain négro, Uchima, pour la vie, pour les gars de ma vie, tu laisses vivre. Un putain de freestyle dans tous les putains de ghetto. Blaster, Leicester, ça tue, ça fait bouger même les pasteurs. Blaster, si je crache sur le FN, faut que c'est pas crainte qui crève et puis que c'est trop pas crainte. À nos échecs, allons l'échec, que je te fasse bouger, que tu kiffes à longue échelle. Négro, je rappe pas que pour la maille, ça me saoulerait man. C'est pour mes raps, ça, et mes sous les mains. 2001, Despo 2001, 7-7 sur Incognito, en plein dans le 1001. Perturbable quand il s'agit de représenter. 93, ma ligue, garder la santé. Le pied accroché à des chaînes, une fatigue à grande échelle. Et derrière moi, y'a ce fils de pute qui se déchaîne. Après ça, je suis trop rancunier. Alors que Christophe Colomb a se faire enculer. Ils ont pillé nos plaies, violé nos sœurs, traité de gorilles. Et nous ont fait catégorer. Après 400 piges, la rage oblige. Vu qu'après leur passage, galérage oblige. Après les chants de coton, les génocides, la vente de mes frères. Comment veux-tu que je chante content? Mes cuirs en sky, mes paroles elles sont diamants Sierra Leone. J'attendrai pas le disque d'or pour avoir une cuve de chiottes en porcelaine. Les boucles dorées de Catherine de Neuf sont à moi. Son joaillier les a couillés à mon bled. Que la police me laisse la choira. Elle m'épargnera pas parce que les putes ghanéennes leur font des prix. C'est simple, pour eux un noir mort balance pas ses complices. Ouais, je fais du boucan, quelques coups bas. Mais j'ai jamais boucave. Je vois pas de quoi tu parles. Je vais récupérer mon pourcentage du trafic illégal d'armes chez les majors pénus, des chaînes d'esclaves aux chevilles. Je m'habille en rouge comme tous les Z qui se supportent. Mon boutou de vêtu grave des AK-47 au blood. Que les stars hollywoodiennes continuent à souffrir les veines. Que leur sang coule sous notre or, c'est l'africaine malédiction. Quand un nègre monte, les autres sont encore plus dans la merde. Quand le peuple meurt, le président s'achète un mur. Mes macaques viennent arriver pas dans des cales. C'est illégal mais y'a pas le choix. Faut récupérer les caras. Alors fuck la pave et fuck les noirs draps. Fuck ces bâtards. Laisse les vrais black drive. Je t'explicite comme un film de plus sur Canal Plus. Explicite comme la mort ou l'effet du cannabis. Et si ça choque, je m'en bats la race. Mon rappeur radical négro, il va trop plus. Rien à foutre des palmarès. C'est cash comme une sentence. C'est fait pour blesser, pas pour percer. Manière ça s'entend. J'dis pas les choses à moitié. J'aime pas les deppes, les colons. Ainsi que les représentants de la loi. J'rappe pour péter les paf. Plotter l'état sans péter les femmes. Et embêter l'état. Pas besoin de parental accessory explicite content. Tout ce que j'pense c'est tout ce qui sort des enceintes. La censure et ses coups de ça. Va te font reculer. Mais si j't'aime pas j'te dirais quand même. Va te faire enculer. Au moins c'est de la franche causette. C'est direct, c'est un putain de rap franco-zette. C'est du hypocrisie, fuck l'hypocrisie. C'est un putain de truc franc qu'on fait. Balance un putain de son pour toutes les super cailles. Son qu'on grandit avec la poisse sous le bercail. Dispo outil défonce pour 2001. Un négro derrière les paf pour mes gages domineux. Rap de test pour les banlieusards, j'rappe le test. Pour présenter la jeunesse, Renoir, rap de test. Truc de dingue, c'est pas du Wu-Tang. Qu'un frémontin, du 93, dans les paf ça fait bang. Langage cru à la rage ro, élevé à la rage ro. Je représente mes rouillards qui arrachent trop. Je rappe en fait sûr, tu kiffes, tu veux être sûr. Grâce au rap, ma gueule, j'aurais pas la corvette sûre. Ici on rêve tous de gens arrêt de fous. Nique les faf, nique sa mère le taf, on est armé de fou. Pour prendre le flouze. À Babylone avant que ça peut être mal. V'la routi sur la grosse caisse. Négro ferme tes grosses fesses. Fais tourner les sons dans toutes les grosses tesses. Jusqu'au tapage nocturne, vu que le son est misto. Jeune noir, jeune fou, fuck les pédales. La France est une rose et chez nous on fuck les pédales. Avec un micro, une feuille, un stylo et un flash. Plus la rage dans l'estomac pour tout péter et clash. C'est nos vies que nos putains de Henken. Mais on s'en bat les couilles, nique sa mère la France. Vive la Henken.